Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission radio qui parle radio chaque mois avec ceux qui l'animent et la fabriquent. Et de fabrique, il en sera un peu question pour cette 55e émission avec la mécanique d'une ruche toute rose et carrée dans laquelle de la musique s'enchaîne et pas par hasard. Cette ruche, elle s'appelle FIP et mon invité s'occupe justement d'aller butiner les disques pour préparer le miel sonore qui régalera les oreilles curieuses des auditeurs. Mon invité est programmateur musical, vous aurez compris, il se nomme Luc Frelon, bienvenue à vous. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, alors aujourd'hui c'est un jour en plus particulier, le hasard fait bien les choses, puisque là ça fait 18 ans que vous faites ce métier, programmateur musical. Alors non, ça fait 18 ans que je suis arrivé à FIP. Mais je suis rentré au standard. Il y a 18 ans, j'ai débarqué pour mon premier jour de 3 mois de CDD au standard de FIP, parce qu'il y avait un standard à FIP à l'époque. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais alors la première question qui me vient tout de suite... Ça vous fait quoi de travailler sur la meilleure radio du monde? C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Twitter. Ouais, on l'embrasse. C'est extrêmement agréable. C'est un sentiment de liberté assez dingue. Ça me permet de venir bosser le cœur léger et plein de bonnes ondes et d'inspiration. Non, je me sens vraiment privilégié, ouais. Alors, on va parler de votre métier. C'est pas tous les jours qu'on parle d'une autre profession que celle d'animateur. C'est vrai qu'on en reçoit beaucoup dans la mécanique des ondes. Mais donc, c'est vraiment l'occasion de parler de programmateur musical. Et en plus, sur une radio comme FIP, ce n'est pas rien. Mais juste avant, il y a aussi pas mal de choses que vous avez traversées avant d'arriver à Radio France. On va commencer avec cette première question. Luc, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? J'ai pas pratiquer la radio associative, en fait. Je faisais beaucoup de musique après le bac, j'étais à la fac, je faisais de la musique et je me rêvais rockstar interplanétaire assez rapidement je me suis rendu compte que j'avais pas de riff magique dans les doigts vraiment. Et donc bon, malgré tout, impliqué dans un groupe, étudiant un petit peu, je me suis retrouvé avec un boulot étudiant à RTL à l'époque. Et assez rapidement, j'ai été derrière la vitre d'un monsieur qui s'appelle Francis Zégut, qui faisait une émission qui s'appelait Zikweb à l'époque. Et c'est là que je me suis dit que je veux absolument faire ça. Mais je suis pas passé par la case radio associative. Je suis arrivé. Mes premiers micros se sont produits sur FIP, en fait, directement. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait tenté, la radio, justement, à l'époque? Sur une associative? Avec le recul, je me dis que ça aurait vraiment pu être intéressant. En tout cas, j'aurais aimé au moment où j'ai fait mes premiers micros le faire, parce que j'étais vraiment vraiment pas à l'aise. Et en même temps, je me dis que finalement j'ai débarqué à l'antenne tel que j'étais, sans vraiment d'a priori, sans peut-être de tic, vierge de plein de trucs en fait. Et je me suis vachement construit sur le tas. Et puis bah voilà quoi. Et radio et musique en général font tous les deux bon ménage. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui vous a attiré vers la radio? Ah bah c'est alors je suis arrivé à RTL totalement par hasard, mais dès que j'ai pu me retrouver sur une émission musicale, c'était évident. Je faisais de la musique, je voulais bosser dans la musique d'une manière ou d'une autre, et quand j'ai vu ce que faisait Zégut, c'était ça en fait. Donc Zégut, c'était vraiment l'animateur qui vous a influencé radiophoniquement parlant. Avec d'autres animateurs comme Dom Kiris sur WFM, comme Bernard Lenoir sur Inter, mais voilà, enfin Zégut, et c'est voilà, on a passé des soirées à l'écouter religieusement. On parle d'une époque, les années 90, où il y avait pas internet, et donc la radio, c'était vraiment le média par lequel la musique neuve et fraîche nous arrivait en fait, et ils étaient tous les trois prescripteurs vraiment de bonne musique. Surtout en matière de rock à l'époque, c'était tout à fait. On en avait partout. Donc vous parliez de RTL, donc c'était vos débuts radiophoniques. Comment vous y êtes entré? Vous avez dit totalement par hasard, mais alors... Complètement par hasard. Je crois que c'est un de mes frangins qui a vu un papier dans sa fac où RTL cherchait des standardistes. Donc je me suis retrouvé standardiste sur une émission qui s'appelait Les Auditeurs ont la parole, animée par un monsieur Jean-Jacques Bourdin à l'époque. Et je devais, avec une camarade standardiste, recevoir les appels des auditeurs qui voulaient réagir sur l'actu. Donc toute la matinée, on castait, on posait des questions sur l'actu. Alors c'est au moment où Haider arrivait au pouvoir en Autriche. Enfin, c'était voilà, c'était parfois un peu flippant. Et c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'était un pied dans la radio. Et puis voilà, assez rapidement, ça a basculé sur Zegut. On est venu nous demander un jour si quelqu'un voulait bosser sur l'émission de Francis Zegut. Je me suis jeté dessus. Et tout ça, c'était ouais, totalement par hasard. Donc Zegut qui faisait à l'époque, c'était Zikweb, hein, c'est ça. Et alors à ce moment-là, comment vous vous êtes senti quand vous avez appris que vous alliez travailler avec déjà j'étais soulagé parce qu'on allait voilà, j'allais être dans la musique et c'était il m'a à l'aise très vite Francis en fait. Donc en fait, dès la première semaine, je pense que je passais plus de temps dans le studio qu'au standard, hein, réellement. Et ça m'arrivait, à ce moment-là, RTL était près des Champs-Élysées. Et j'allais régulièrement au Virgin, qui était un magasin de disques sur les Champs-Élysées. Et avant de passer à RTL, je m'achetais très souvent des disques. Et ça arrivait à Francis de les prendre et de les passer dans l'émission. Et, non, c'était, voilà, il avait une grande liberté de programmation et de parole. Et c'était, voilà, ça venait. Il y a un film qui s'appelle, oh mon Dieu, j'ai oublié. Avec Christian Slater qui anime une radio pirate sur un bahut. Enfin, c'était voilà. Ça me dit quelque chose. Ouais. Il y a ce film-là, et puis Zegut derrière. Le nom du titre va me revenir. Mais c'était les déclencheurs, ouais, de cet amour pour la radio. Bon, on lancera une enquête, hein, pendant le disque ça sur revenir, le film. Ça va me revenir. Ouais, on croise les doigts. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que vous apprenez en dehors du standard? Est-ce que vous apprenez quelque chose de plus via Francis Zegut, via Zikweb? Alors regardez, bosser. À ce moment-là, donc, on est en 2000 ou 2000. Non. Pas 2001, j'arrive à fil, donc on est en 2000. Et donc c'est les prémices d'Internet en France, vraiment. Et c'est arrivé un petit peu après, plein d'autres pays. Ça s'est vraiment développé un peu plus tard. Et donc dans cette émission, Zikweb, Francis donc, faisait la programmation musicale de l'émission, interviewait éventuellement des invités, se baladait sur pas mal de sites musicaux et chattait avec les auditeurs. Pendant toute une partie de l'émission, il avait un technicien avec lui, un technicien réalisateur. Et à partir de 22h30, je crois, après le dernier flash, il était tout seul à la réal, à l'animation, à lancer les disques et à chatter. Et c'était incroyable de le voir faire, quoi. Et debout, comme ça, dans le studio, à balancer les disques, je me rappelle d'un soir où il venait de recevoir le nouvel album d'AC/DC, il a joué trois fois le single, voilà, à la suite, sur RTL, comme ça, un soir, et tout en chattant, enfin, c'était, je me suis dit, c'est, voilà, cette liberté-là est dingue. Et Zegut et ACDC, c'est une très longue histoire, ça, il l'a déjà montré. Histoire, ouais. Très longue histoire. Donc, du coup, l'aventure RTL se termine à ce moment-là. Oui, parce que c'était un job étudiant, et puis voilà. Enfin, ils n'avaient pas vocation à me garder, et puis j'avais pas spécialement envie non plus de rester plus que ça, quoi. Et donc, juste après ça, vous rebondissez à FIP. Assez rapidement, et candidature spontanée. Donc, comme je faisais de la musique, je voulais essayer de trouver un boulot qui me permette d'avoir du temps pour répéter. Et puis on m'a dit que parfois à Radio France et notamment à FIP, au standard, ça, il y avait un peu de turnover. Donc j'ai envoyé un courrier à la fin de l'été 2000, me semble-t-il, ouais. Et puis on m'a appelé juste avant Noël pour me dire que je commençais le 8 janvier. Et je suis arrivé, voilà. J'ai mis mon premier pied à FIP en janvier 2001. Et au standard, du coup, comment ça se passe un standard à FIP? Parce que c'est une radio essentiellement musicale qui passe beaucoup de disques. Ah bah c'est une radio que musicale et en fait à l'époque, il y a un principe sur FIP, c'est qu'on annonce jamais les titres, quasiment jamais les titres. Et les créateurs de FIP, Kodo et Garato, avaient voulu ça pour, il y a donc 48 ans me semble-t-il, on est en quoi demi? Ouais, 48 ans, en janvier 71. Et c'était à l'auditeur d'aller, si le morceau lui plaisait, d'aller chercher, de faire la démarche, d'aller demander ce que c'était. Et donc, moi, quand je débarque au standard, donc encore une fois, c'est un internet balbutiant. Donc les playlists sont pas forcément, enfin les morceaux programmés sont pas forcément super référencés. Et donc toute la journée, dès qu'un morceau passe, des gens appellent pour savoir ce que c'est. Et quand un morceau cartonne, ça appelle pendant une heure pour savoir quel morceau est passé à 11h10, quoi. D'accord. Et alors, le standard, vous avez fait ça combien de temps? J'ai fait ça quelques années et en fait assez rapidement. On m'a proposé un CDI que j'ai refusé parce que j'avais vu ce que faisaient les programmateurs. Et je trouvais ça extrêmement excitant et intéressant. Et je me suis dit que si je prenais ce CDD au standard, je risquais de m'encrouter. Donc je l'ai refusé. Je me suis, en plus du standard, assez vite retrouvé à faire le régisseur sur les concerts FIP. Il y avait un ou deux concerts par mois à l'époque au Studio 105 ou 106 de Radio France. Et donc je bossais là-dessus. Et j'ai fait mes premiers remplacements comme programmateur à l'été 2003. de manière assez homéopathique au départ, et puis de plus en plus, et puis je n'ai plus fait de standard, je pense, en 2005, un truc comme ça. Là, c'est vraiment fait progressivement. Progressivement, c'était 9 ans de CDD, de se rendre disponible et tout ça, et puis j'ai finalement été intégré en 2009. Alors, juste pour revenir sur la petite expérience de régisseur dans les studios 105-106, est-ce que vous avez des souvenirs, vous, marquants de ces... Ouais, j'ai des souvenirs d'artistes qui enfin une de mes attributions en tant que régisseur, vu que les concerts étaient en direct, c'était de m'assurer que l'artiste soit prêt à rentrer en scène au moment où il était annoncé. Et voilà, j'ouvrais le rideau et l'artiste arrivait, et ça arrivait une fois que l'artiste ne soit pas là au moment où donc j'essayais désespérément de faire des signes pour faire signe qu'il fallait durer, et puis non, donc c'était ouais des moments comme ça, ou des moments de concert dingue, des moments un peu rigolos de Mélodie Gardot qui sort de scène et telle une diva, sans même tourner la tête, tend la main, on lui met une clope allumée dans la main, tend l'autre main, on lui sert un verre, elle tire une natte de sa clope, hop, elle boit une gorgée, elle retend les mains, il y a deux assistantes qui récupèrent, enfin des trucs un peu improbables, enfin voilà, des moments assez rigolos, quoi. Alors j'avais lu une anecdote assez intéressante, je me suis renseigné quand même un petit peu, il y avait une anecdote intéressante aussi avec Laurent Voulzy. Ouais, Laurent Voulzy. Il était venu faire un concert donc au 105 avec Vincent Delerme, Coralie Clément et Kerenan, je crois. Et donc tous y jouaient quelques titres, et Voulzy leur a proposé de faire un titre chacun avec eux, voilà, bon bref, enfin avec lui plutôt. Et je suis pas un grand fan de Voulzy. Je suis pas un dingue de chansons francophones, on va dire. Je suis plus Souchon que Voulzy. En revanche, sa balance et son concert étaient super cool. Il était tout seul à la guitare et j'ai réalisé que c'était un super guitariste, en fait, avec vraiment des accords, des positions très, très, très léchées, très, très bien arrangées. Et je suis allé lui dire à la fin, je suis vraiment pas un grand fan de votre musique, vraiment, mais là ce soir j'ai vraiment aimé. Me dire, ah bah écoute, c'est super, si en plus t'aimes pas d'habitude, ça me touche vachement, enfin voilà, très très gentil, mais c'était vraiment un chouette concert. Voilà, et ça s'appelle avoir l'oreille très ouverte. Ouais. Bref. Et ça, c'est un bon critère pour être programmateur musical sur FIP. C'est indispensable. On va faire une petite pause musicale avec un morceau que vous avez choisi. Alors là, on va aller vraiment aux racines de vos goûts musicaux, je pense, en 1994, avec Pearl Jam et Better Man. Pourquoi ce choix ? Better Man, c'est le troisième album de Pearl Jam, Vitalogy, et c'est un album que j'adore, c'est un morceau que j'adore, et c'est toute une période où on écoutait beaucoup FM avec mes potes à l'époque, et Dom Kiris avait comme ça balancé quelques extraits, il y avait notamment Immortality aussi, où ça avait été une espèce d'hystérie collective, chacun chez soi à écouter ça, Ouais, c'est le moment où vraiment la radio est présente comme prescripteur et comme découverte. Et puis voilà, je suis un grand fan de Pearl Jam depuis le tout début et j'adore ce morceau. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in overtime. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swears she knew it, now she swears it. Colomb qui fait la batterie dans le studio. Je suis un excellent air batteur. Air batteur, ah oui, c'est ouais. Pas mal. On n'en a pas encore sur scène, ça n'existe pas. D'ailleurs, une vraie batterie, c'est, je fais extrêmement pitié, mais là, ça, sans rien, ça va. En tout cas, un petit peu de rock sur Fréquence Protestante, ça fait du bien aux oreilles, au cajamiel, pour reprendre ce que disait le tonton Zézé. Voilà. C'était Pearl Jam avec Better Man en 94. Et alors, je voudrais juste applaudir également Emmanuel à la technique, puisqu'il se souvient du film, il nous l'a retrouvé, Pump Up de Volume. Pump Up de Volume. Regardez voilà. Ce film, c'est absolument génial. Enfin, dans mon souvenir, parce que je l'ai beaucoup vu ado, donc ça a peut-être pris une petite claque, mais génial, avec une version du Everybody Knows de Leonard Cohen en ouverture qui est absolument démente. Voilà, comme quoi Fréquence Protestante est une radio très active, hein, France Info peut trembler. C'est ça. On va revenir en tout cas à Luc Frelon, à FIP, on vous retrouve à nouveau là-bas. Depuis un petit moment. Oui, depuis 18 ans maintenant. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui. Donc, vous avez commencé au Standard là-bas, puis régisseur. Et donc, maintenant, la programmation musicale. Alors, ça a commencé avec plusieurs essais, je suppose. Il y a eu deux essais, je crois. Enfin, j'ai fait deux programmes tests non diffusés. Et puis, à un moment, c'est dans le grand bain, quoi. C'est parti. Et les programmes musicaux sur FIP, en fait, on est sept programmateurs dans l'équipe. On va dire sept programmateurs titulaires. Et puis, une petite armée mexicaine de remplaçants derrière qui fait bien le job. Et en fait, chaque jour, on produit chacun 5 programmes musicaux de 3 heures par semaine, plus un club jazz à FIP, ou un programme de web radio pour ceux qui font pas de jazz à FIP, plus après des programmations pour des émissions spéciales, etc. Et ces programmes durent 3 heures, donc, et c'est jamais le même programmateur le même jour à la même heure. D'accord, donc il y a un roulement à chaque fois. Il y a une vraie rotation pour l'auditeur qui tombe pas sur les mêmes... Parce que chacun d'entre nous, en fait, on se connaît, on est tous capables de reconnaître les programmes des uns des autres en fonction de... Il y en a un qui va être un peu plus rock, un peu plus hip-hop, un peu plus électro, enfin voilà. C'est la question que je me posais justement, c'est de savoir si vraiment il y avait une spécificité, une spécialité musicale pour tel programmateur ou pas. Tous on en a, mais c'est même pas une question de spécialité, c'est une question de sensibilité, c'est ce sur quoi on s'est construit. Et même si on a tous des goûts extrêmement éclectiques et qu'on est dans la recherche tous permanente et perpétuelle, quels que soient les genres, en fait on s'en fout du genre musical d'un morceau. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, c'est le seul critère, que ce soit de la cumbia, de l'électro, du blues malien, du rock turc, on s'en fout complètement. C'est bon, on le joue, c'est pas bon, ça nous plaît pas, on le joue pas. Alors justement, j'ai une question un peu délicate là-dessus. Comment vous faites dans ces moments-là? Qu'est-ce qui vous fait dire à l'écoute, ah tiens, ça passerait bien sur FIP ou non, ça rentre pas? Alors, le premier critère, il est totalement subjectif. En tout cas, pour ce qui me concerne, mais je pense que mes petits camarades, ça serait à peu près la même, c'est j'aime pas. Un morceau me touche, que ce soit un morceau ultra arrangé, très, très léché, très produit, ou un truc basique en deux accords, si ça me touche, je vais avoir envie de le jouer. Après, FIP, la programmation de FIP, c'est un spectre extrêmement large. Dans notre façon de fabriquer nos programmes, c'est une liberté totale, et en même temps, 3 heures de programmation sur FIP, c'est un canevas très précis. C'est très libre et assez contraignant en même temps, mais ces contraintes font que ça nous oblige à aller chercher un peu au-delà de notre zone de confort à tous, et ça rend cette prog super foisonnante, quoi. Et peut-être éviter les répétitions entre les uns les autres sur les 3 heures. Alors on a déjà, enfin, l'outil qu'on utilise pour programmer nous signale si un titre est déjà passé ou si un artiste est déjà passé dans la journée, la veille, il y a 10 jours, enfin ça on le sait. Donc on peut décider malgré tout de le mettre parce que l'enchaînement le justifie, parce que tant pis, ce morceau, un morceau ne passera pas 2 fois dans la journée sur FIP. Un artiste peut passer 2 fois. En gros, de 7h du mat à 23h, c'est de la programmation originale, puis de 23h à 7h, c'est de la rediff de programme de 3 semaines avant, je crois. Mais sur cette programmation originale de 7h à 23h, on est à 300-350 titres jour. Quand Energy, qui fait pas le même taf, hein, mais il y a une cinquantaine de titres par semaine. Mmh. Voilà, ça donne un peu le ratio de ce qu'on peut jouer. Je crois qu'on joue 35 ou 36 000 titres différents par an. Et alors, comment ces 3 heures se construisent? Est-ce que c'est vraiment au feeling complet, ou est-ce que vous devez impérativement passer un titre jazz, ou deux titres jazz, un titre rock? Dans chaque heure, on va jouer 3 ou 4 jazz, chantés, instrumentaux, 2 ou 3 pop rock, ou soul funk, ou hip hop, ou voilà, 3, on va dire en moyenne 3 francophones aussi dans l'heure. On va essayer. J'ai dit essayer parce que il m'arrive d'en oublier, hein, de temps en temps, mais un titre classique par heure de musique classique. Et dans tous les genres, on va aller sur de la nouveauté, sur de la rareté, sur du standard, ce qu'on appelle, enfin, ce que certaines radios appellent des gold. Alors, on est encore régulièrement en train de débattre sur ce qu'est un gold. On n'est pas tous d'accord, mais voilà, un Neil Young, par exemple, un Beatles seront des gold, mais un Red Hot ou des trucs comme ça peuvent l'être aussi. Ou un NTM dont on parlait tout à l'heure pour le hip-hop. Oui, c'était il y a 20 ans maintenant. Bah, c'est, ouais, ça commence à faire, ça commence à faire. Ouais, ça fait bizarre de se dire que c'était il y a 20 ans quand même. Ouais, même s'ils sont toujours plus ou moins là. Mais, donc, il y a ce canevas qui fait qu'on doit avoir tous ces ingrédients dans une heure, et après tous ces morceaux-là, sur FIP, il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de pub. Et donc, tout fonctionne, en fait, dans l'enchaînement. Dans l'enchaînement entre deux titres. Et normalement, une prog réussie de 3 heures, ce sera une prog où tout se sera bien enchaîné, y compris les ruptures, parce que des fois, il faut casser. Si on est sur un même mood, sur un même tempo depuis trop longtemps, il faut qu'il y ait une cassure, soit plus lente, soit plus... Mais la cassure doit aussi être évidente dans l'enchaînement. Ça va être un enchaînement sur une tonalité, sur un son, sur un tempo, sur une thématique éventuellement. Mais il faut que la thématique fait pas seulement le truc. Il faut qu'il y ait musicalement quelque chose qui justifie. Ça peut être un sample qu'on va décliner en allant vers l'original ou vers d'autres samples du même morceau. Enfin, il y a plein de manières de faire et c'est voilà, des contraintes fortes et une liberté assez dingue dans ces contraintes. Mmh. Oui, et au niveau des enchaînements, vous parliez de samples, justement. Quand on a l'oreille musicale, enfin l'oreille curieuse, c'est très subtil, ça parle. C'est... Bah, l'idée, c'est pas... On fait en sorte de pas être une radio élitiste. On est vraiment là dans la musique et dans le ressenti. La musique, c'est un truc qui se ressent avant tout, hein, à mon sens. On est dans l'émotion, dans le subjectif pur. Et voilà, après nous, on a envie de s'amuser, se faire plaisir. Alors ça va être, par exemple, je vais jouer la reprise de ce dont on parlait tout à l'heure, avant l'émission, la reprise de Sly Fifth Avenue qui reprend California Love avec Corinne Ree à l'orgamonde. Et puis derrière, on va mettre la version Dr. Dre Tupac, California Love, que tout le monde connaît. Enfin, si vous connaissez pas, précipitez-vous, ça, c'est une bombe. Et puis derrière, on va mettre le Woman to Woman de Joe Cocker, dont le riff de piano a été samplé par Dre. Enfin, il y a plein de manières de faire. Ça peut être programmé Alabama de Neil Young, puis la réponse de Lynyrd Skynyrd à Neil Young qui s'appelle Sweet Home Alabama, puis la réponse de Neil Young à Lynyrd qui s'appelle Walk On. Enfin, on s'amuse, quoi. C'est très fort. C'est vraiment très très fort. Et en dehors de la programmation musicale à FIP, vous êtes aussi animateur. Oui. Donc vous l'avez dit, le club jazz à FIP. Là, pareil, c'est un roulement entre programmateurs. Le club jazz à FIP, ouais, ça tourne. C'est un animateur différent chaque soir. Je peux juste revenir un instant sur la programmation. Oui. Juste pour pas oublier quelque chose, parce que on parlait des spécificités des uns et des autres tout à l'heure. Il y a quelques éléments qui viennent lier déjà le fait de mettre un morceau classique par heure, et il y a aussi les sélections FIP. Tous les mois, l'équipe de programmation vote pour un certain nombre d'albums, 8-9, je me rappelle plus, ça change des fois par moment, mais mettons 8-9 albums qu'on va tous devoir jouer dans nos programmes. Alors, il y a une rotation aussi au niveau des sélections, que ça peut jamais le même jour à la même heure, mais on va tous devoir jouer un titre de ces sélections par heure, et forcément on doit arriver sur ces titres et on doit en sortir. Donc ces titres-là vont chaque mois venir colorer la programmation et pas gommer les aspérités, mais nous amener à être... c'est ce qui va peut-être créer le consensus dans les programmes de tout le monde. Je reviens au Club Jazz à FIP. Donc là, pareil, il y a un album jazz chaque semaine, un album qui est mis en avant, et puis après, chacun... On ouvre le club par ce titre, et puis après, chacun décline pendant une heure vraiment à l'inspiration, au feeling, quoi. Donc là aussi, c'est vraiment les programmateurs qui imposent leurs pattes. Ouais, complètement. On fait notre programmation musicale et puis après on la co-anime avec une animatrice dite Fipette parfois. Il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais bon. Et puis après il y a les émissions, tout ce qui est émissions spéciales autour des festivals. On était au MAMA, on était à la fête de l'UMA, on était au Transmusical de Rennes. Là on sera à Eurosonic. Enfin il y a énormément de choses. Et puis il y a eu, pardonnez-moi, c'est l'hiver, on est tous un peu malades. Des émissions comme Dite 33, qui était une émission consacrée au vinyle, sous les jupes de FIP aussi pendant 3 ans, qui était vraiment une émission d'actu musicale. Enfin voilà, puis on est en train de réfléchir à d'autres choses pour les mois qui viennent. Alors justement, ces émissions, alors déjà, une émission sur FIP, c'est déjà très rare, puisque la radio n'a pas de grille précise. Ouais. Dites 33 et sous les jupes de FIP que vous présentiez, est-ce qu'on vous les a proposés ou est-ce que c'est vous qui avez soumis ces émissions? Dites 33, je l'ai proposé avec un Vincent Provigny à l'époque et on avait super envie de faire ça. C'était venu d'une discussion avec Philippe Manœuvre, en fait. On était parti sur le vinyle et puis un déjeuner à dire mais faudrait faire un truc autour du vinyle et tout. Puis bref, dans nos esprits tortueux avec Vincent était venue cette idée de faire venir des invités avec leur collection de vinyles, enfin leur collection, avec quelques disques de leur collection. Et on s'est retrouvés à l'animé à trois. Il y a Alexandre de Surmont qui enfin voilà, on tournait. Vincent, Alex, moi. Puis Alex et moi. Et l'idée, moi je sais que sur les miennes, j'aimais bien ne pas savoir ce que les invités allaient apporter, en fait. Je leur demandais de venir sans me dire. Et je jouais, moi, le premier titre de l'émission, avec une nouveauté vinyle ou une réédition. Et puis ensuite, c'était. Pas une battle, mais t'as envie de jouer quoi. Et c'était ça donnait des trucs assez improbables, quoi. Quand il y a Mina Tindall et Arnaud Rebottini, on est sur des trucs assez éloignés. C'est très chouette. C'est presque une table ronde entre passionnés de musique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on se fait écouter des disques entre potes, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un bon concept. Mm-hmm. Alors nous, par contre, c'est pas un vinyle qu'on va écouter là tout de suite, mais c'est un morceau qui pourrait être une nouveauté FIP. Je pense que ça en est une, même. C'est un coup de cœur actuel. C'est un groupe qui s'appelle Altingun. Altingun, ouais. Je pense que c'est peut-être un des titres que j'ai le plus joué sur FIP en 2018. Altingun, c'est un groupe qui a été fondé par le bassiste de Yako Garner, qui est un chanteur pop psyché hollandais. Donc le bassiste est hollandais aussi. Et pendant une petite tournée en Turquie, il a trouvé dans des bacs à vinyle des disques de rock psyché turc des années 70 et s'est dit mais putain, c'est ça que je veux faire. Donc il a monté Altingun, il a recruté un chanteur joueur de saz turc né en Hollande et une chanteuse turque qui venait d'arriver en Hollande et ça donne ce mix dingue, quoi. Écoutez la mécanique des ondes avec Luc Frelon, programmateur musical à FIP, aujourd'hui dans les studios. Et ce deuxième choix musical qui s'appelle Altingun. Par contre, je vais pas prendre le risque de prononcer le titre. J'ai pas fait turc au collège. L'album s'appelle On et il est incroyable. Voilà. Et si vous voulez le chercher dans l'album, c'est la piste qui l'ouvre. Ouais. Voilà. Alors, Luc Frelon, donc, programmateur musical, animateur également dans certains jazz à FIP, pas tous les jours. Non. Vous avez fait Dite 33, vous avez fait Sous l'égypte de FIP, on en a parlé. Vous avez aussi participé au sein de Radio France à quelques projets, notamment Radio Vinyl. Ah, c'était bien ça. Quelques épisodes où vous arpentiez la vaste discothèque de Radio France. Alors déjà, moi, je suis jaloux. Mais en plus, avec de bonnes compagnies comme Jarvis Cocker ou John Parrish, acolyte de Pete Gervais, là, je suis doublement jaloux. Ouais, il y avait Tony Allen aussi. Et en fait, c'était assez dingue. C'était c'est Marc Marais et Christian Charles qui sont à FIP aujourd'hui. Marc Marais, le directeur de la musique sur FIP, et Christian Charles est un collègue programmateur, mais qui était à la doc à ce moment-là. Et ils ont lancé ce projet un peu dingue en se disant, il y a ce stock de vinyle incroyable qui sert à rien. En fait, à part de temps en temps, c'est joué dans quelques émissions, mais faisons-en quelque chose. Et donc tous les producteurs, parce que sur les autres antennes, les animateurs sont souvent appelés producteurs, et pour FIP, des animateurs participent à ces radios vinyles. Et ouais, pour ma part, ouais, j'ai passé. En fait, c'était assez cool. On passait trois heures avec ou John Parrish ou Jarvis Cocker ou Tony Allen à se balader dans les rayons de Radio France. Et puis une petite sélection avait été préparée dans une boîte près de la platine. Et puis on se retrouve à parler musique pendant trois heures avec John Parrish ou Tony Allen. Et là, c'est très très chouette. C'est extrêmement grave. Pour au final un montage de 12 minutes, mais bien efficace. Mais c'est un des trucs que j'ai préféré faire. Ouais. Ça a dû vous impressionner quand même, de vous retrouver en face de ces pointures. Ouais, et en même temps, les trois sont tellement adorables. Enfin, à un moment, on parle de musique, en fait. Donc, c'est pas pointure, pas pointure. C'est juste un moment très agréable de parler musique et vinyle avec des passionnés de musique et de vinyle. Et les radios vinyles, justement, sont toujours disponibles sur YouTube. Ouais. On en mettra un ou deux sur le Facebook de l'émission. J'avais lu aussi, il paraît que vous rêveriez d'avoir une émission de radio autour du rock façon Le Noir ou Zégut, où vous seriez en roue libre. Ouais. Alors, on a, même dans les émissions sur FIP, il n'y a pas que dans la programmation qu'on a une grande liberté de ton et dans le choix de nos invités et tout. Ça a été le cas pour Sous les jupes, par exemple, pendant trois ans où, voilà, il y a eu des rencontres vraiment classe. Même dans Dite 33, on jouait ce qu'on voulait. Mais un peu sur le principe voilà, il y a le jazz à FIP par exemple qui est un genre. Alors, les gens qui ne connaissent pas FIP ont de FIP l'image d'une radio jazz parce qu'il y a le club jazz à FIP et c'est le seul genre musical qui est mis en avant comme ça de manière quotidienne 365 jours par an depuis 40 ans. Et c'est légitime, mais ça serait légitime aussi de pouvoir le faire pour d'autres genres musicaux. Et c'est vrai que ouais, avoir une émission autour du rock au sens très large, hein, ça veut dire aller du P-Funk au métal en passant par plein de trucs, mais il y a largement de quoi faire. Donc si la direction de FIP nous écoute, hein. Mais la direction de FIP, c'est très bien ce que j'ai en tête. Et juste pour rebondir là-dessus, il y a eu des nuits spéciales sur FIP que vous aviez faites autour de Led Zeppelin ou même du métal, ce qui était pas inattendu sur une radio comme FIP. Alors en plus, Zégut qui était venu pour l'occasion, il y avait Ben Barban qui dirige le Hellfest. Ce genre de nuit spéciale, est-ce que ça pourrait se rapprocher de la radio que vous rêveriez de faire? La radio que je rêve de faire, elle existe, hein, c'est FIP. C'est vraiment... Il n'y a aucune radio au monde, et c'est sans aucune flamme ni rien, mais qui propose cette programmation-là. C'est dingue. Mais c'est vrai que... Ces nuits, c'est chouette à faire. On est toujours, à part la nuit métal que j'avais fait tout seul, mais pour la nuit Led Zepp, il y a une nuit Bowie, il y a eu pas mal de nuits comme ça dans sur FIP. Et ouais, faudrait peut-être qu'on en refasse quelques-unes. C'est assez stimulant en fait. C'est assez dingue à faire et à réécouter. La nuit métal, c'était un peu particulier. J'avais à l'époque le directeur de FIP était Julien Delifiori, qui était un des messieurs jazz de Radio France depuis longtemps. Et quand j'en ai parlé direct, il m'a dit écoute, on est la radio de toutes les musiques et puis on va en faire chier quelques-uns. Vas-y, on y va. Et donc c'est parti. Tout le monde attendait un peu un énorme crash et ça a été un carton. Francis Zégut était là, Xavier Bonnet, ex Hard Rock Magazine, Hard Navy et aujourd'hui Rolling Stone était là. Il y avait aussi Lelo, Jimmy Battista qui était chez Noise à ce moment-là. Et on a fait 5 heures d'émission et puis il y avait 2 heures de prog derrière, donc Ben Barbeau qui était venu faire une interview. Enfin, c'était C'était, ouais, j'ai pris un gros gros pied à faire ça, donc le refaire, alors sur un genre musical, on pourrait se faire une nuit blues, on a déjà fait des soirées, mais nuit autour de l'électro, c'est aussi quelque chose qui pourrait se faire, hein, parce qu'il y a, il y a les web radios aussi maintenant sur FIP, notamment la web radio électro, avec souvent des DJ sets ou des mix exclusifs de DJ assez pointus et vraiment classe, donc ouais, il y a des trucs à faire par genre musicaux, autour d'artistes, c'est ouais, un truc autour du crunch, enfin il y a plein de trucs qui serait excitant. Il y a des pistes à explorer. Énormément. La mécanique des ondes. En tout cas, c'est un beau métier que vous faites, Luc Frelon. Vous faites des envieux. Ouais, je pense franchement, pour ce qui me concerne, à part rockstar, mais vraiment rockstar, on joue dans des stades et on est dans des hôtels de dingue ou champion du monde de foot, mais en mode vraiment Mbappé. Je pense que c'est le troisième truc qui pouvait m'aller le mieux, en fait. Bon, rockstar à Radio France, déjà, c'est pas mal. Ouais, bon, mais en tout cas, là, ouais, la FIP, c'est bien. On va passer maintenant à la partie questionnaire, Luc Frelon, avec la question capsule pour commencer. Une question posée par l'invité de la précédente émission. Et alors, le hasard fait bien les choses, ou pas, hein. Tout est calculé. Francis Zégut était à votre place il y a un mois. Il vous a laissé un petit mot et une petite question qu'on écoute tout de suite. Luc Frelon, je me souviens d'une visite, c'est les années 80, 90, quand tu faisais partie d'un groupe qui s'appelle K. Ben voilà, t'as fait du chemin, moi aussi. On s'est au téléphone, ça a raccroché, je sais plus trop quand. En tous les cas, si tu as un conseil à donner à un jeune qui veut faire de la radio, qu'est-ce que tu lui conseilles ? De rien lâcher déjà. Je lui conseille de rien lâcher et. Ouais, je crois vachement aux candidatures spontanées, même si, enfin, les places sont chères. On parlait de radio associative tout à l'heure. Je pense que, voilà, si j'avais 18-20 balais aujourd'hui, j'essaierais d'en faire. Vachement, plein de gens nous écrivent pour faire de la prog, pour faire de l'antenne à FIP et tout. Et y a pas d'école de radio, en fait. S'il y en a qui proposent ça, c'est une arnaque. Donc, faut, enfin, à part les écoles de journalisme, mais ouais, rien lâcher. Et juste, ouais, Zégut, c'est vrai, je faisais de la musique. Donc, après avoir bossé avec lui, je suis juste passé lui apporter un disque un soir. À RTL, je bossais plus là-bas, mais j'étais resté en contact. Je lui ai apporté l'album, un EP d'ailleurs. Et il regarde le truc, il me dit ouais, c'est chouette. Il me dit tu bouges là. Je dis non, j'ai le temps. Il fait ok. Son technicien, vas-y, tu nous mets deux micros, on fait l'interview derrière. Et donc après le flash info, on bossait avec des mecs qui s'appellent Ici la Lune, des designers, tout, qui nous a fait un site assez fou à ce moment-là. Et on est parti pour 20 minutes d'interview en direct sur RTL avec diffusion de deux ou trois titres du EP. Et ça, c'est Zégut, quoi. C'est de la belle radio. Ouais, et puis, mais là, enfin, aller vers ce qu'on aime au maximum et puis rien lâcher, jamais. Et on embrasse Francis Zégut s'il écoute partout. Cette émission qu'on a reçue le mois dernier. Mais oui. Très bon moment. On va terminer maintenant avec le questionnaire rapide. Luc Frelon, vous êtes prêt ? Je suis prêt. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Allez, Zégut, Dom Kérès, 2. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Oui, FM. Oui, FM, années 90, enfin, première moitié des années 90. Quelle radio vous réveille le matin ? France Inter. Quelle radio vous endort le soir ? FIP. Ou France Inter, mais plutôt FIP. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Voiture, train. Un endroit où vous n'écoutez jamais ? Elle est dure, celle-là. La vache. Certaines lignes de métro où c'est compliqué de se connecter. C'est pas faux. Votre meilleur souvenir de radio ? En tant qu'auditeur ou en tant que bossant dans une radio ? Comme vous voulez. En tant qu'auditeur, c'est Dom Kérès qui joue Immortality de Pearl Jam 3 semaines avant la sortie de Vitalogy et l'espèce d'effervescence qu'il y a eu. C'est un souvenir ultra vivace en fait. Voilà, avec tous mes potes, on s'est tous appelés ouais, juste après la pub sur WFM, nouveau Pearl Jam, et le lendemain on parlait que de ça et voilà, ça. Le pire ? Oula, il y en a plein. En tant qu'auditeur, il y en a plein. Professionnellement ? Professionnellement, j'ai la chance de bosser sur une radio musicale. Donc, quelque chose de grave, c'est... il y a rien de grave en fait. Voilà, si une émission est ratée, bon, bah, elle est ratée. Si un enchaînement est mauvais, bah, il est mauvais. Mais... moi, en tant que professionnel de radio, voilà, on est à Montréal pour une émission, on se prend 20 minutes de retard parce qu'il y a un problème de connexion avec Montréal. c'est pas grave. Un micro qui marche pas, c'est pas grave. Un invité qu'on espérait super excitant et qui est très très chiant, c'est pas grave. Donc j'ai pas spontanément mauvais souvenir de radio. Professionnellement, j'en ai pas. Et alors pour finir, alors Zégut m'a devancé pour le coup, mais ça me donne l'occasion de la formuler différemment. Un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir programmateur musical. C'est un métier. Enfin, tellement à part moi, avant de débarquer au standard de FIP, je savais pas que ce métier-là il existait en fait. Enfin, je savais qu'il y a des programmateurs radio, mais ce qu'on fait à FIP, c'est on n'est pas dans une logique de playlist. Par exemple, il y a des programmateurs à France Inter qui décident de titres qui rentrent en playlist. Sur WFM, il y a Jean-Pad, voilà, qui va aussi faire ses prog. À Nova, il y a un ou deux programmateurs aujourd'hui, je sais pas, mais il y a eu Max et Emile pendant longtemps, par exemple. Bref, ce qu'on fait à FIP, ça n'existe que là. Comme conseil, qu'est-ce que je pourrais donner? D'être curieux tout le temps. Être curieux, ça veut pas dire tout aimer, quoi. Il y a plein de trucs que j'aime pas. Par exemple, enfin, il y a plein de trucs que j'adore dans le hip-hop, plein de trucs que je déteste dans le hip-hop. Pareil pour le métal, j'adore la cumbia, mais je suis pas super salsa. Et en même temps, dans la salsa, il y a des trucs que j'aime bien. Le label Fania, par exemple. Enfin, c'est être curieux, c'est avoir pas avoir peur d'aimer seul un disque. Si tout le monde trouve que c'est à chier, mais si on l'aime, et ben, on l'aime, c'est comme ça. Et puis aller chercher tout le temps. Et la musique, c'est aussi lire sur la musique, c'est aller voir des concerts, c'est un truc qui s'arrête jamais, en fait. Ne vous arrêtez jamais de découvrir, voilà. Et la curiosité est un beau défaut, contrairement à ce que l'on peut dire. Bien sûr. En tout cas, merci Luc Frélon d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir parlé de votre métier. Vous faites un très beau métier, hein, sur une très belle radio. C'est vrai. C'est totalement subjectif ce que je dis, mais bon, je suis pas le seul à le penser. Je valide. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. La mécanique des ondes, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain sur Fréquence Protestante. N'oubliez pas, l'émission est à retrouver en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes. Et merci à Emmanuel pour sa réactivité et pour la régie.